produit fatal d'une époque où la science prédomine sans que s'éteigne pourtant notre éternel besoin de fantaisie. C'est bien un genre nouveau qui vient de s'épanouir. Ce sont les mots de Maurice Renard qui va être le porte-étendard et le fondateur du mouvement littéraire du merveilleux scientifique. Un genre qui se construit à la transition entre deux mondes, celui d'un présent scientiste à la veille de la Première Guerre mondiale, mais qui a encore un pied dans un passé fantastique, merveilleux, où l'imaginaire du conte pénètre le présent à travers la science. C'est ce genre, apparu quelques années dans la littérature française, puis oublié, que nous vous invitons à redécouvrir aujourd'hui. Avant la science-fiction, le merveilleux scientifique, c'est le programme littéraire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Émission impulsée par l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes à la Bibliothèque nationale à Paris sur le site François Mitterrand et qui court jusqu'à fin août, dont nous recevons aujourd'hui la commissaire Fleur Hopkins. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également Roger Musnick. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur de la collection Les Orpailleurs aux éditions de la BNF. Et comment parler de merveilleux scientifiques sans inviter le premier fan de Maurice Renard en France et peut-être même dans le monde? Oh. François Angelier, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, oui, oui, Maurice Renard, oui, lu en marabout. Il y a bien longtemps. Dans une édition que vous avez apportée, qui était presque... Ah, ça, c'est bouquin à fond. C'est bouquin à fond. Pierre d'angle de tous les renardiers. Producteur, évidemment, de Mauvais Genre tous les samedis sur France Culture. Mais avant cela, comme tous les vendredis, nous retrouvons celle qui correspond absolument à chacun de ces deux adjectifs, merveilleuse et scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et on commence ce journal avec une annonce très importante cette semaine en paléontologie, la découverte sur un plateau tibétain d'une mâchoire d'homme de Denisova. Ça fait quelques années que la chasse à l'homme de Denisova est ouverte. En 2010, dans la grotte de Denisova en Sibérie, on découvre cette espèce du genre Homo, un cousin d'Homo sapiens et de l'homme de Néandertal. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'on a fait cette découverte grâce à l'analyse génétique de fragments osseux. L'analyse ADN ne correspondait à rien d'autre de connu. Donc jusqu'à présent, des Denisoviens ne connaît pas grand-chose, sauf leur génome, deux phalanges et une dent. Ici, on a là donc une mandibule trouvée au Tibet, à 3300 mètres d'altitude. Donc première surprise, la datation. Cette mandibule est vieille de 160 000 ans. Ça, personne ne pensait qu'une espèce d'homme si ancienne puisse vivre à si haute altitude. Dans ce genre d'environnement extrême, les traces d'occupation humaine remontent à 40 000 ans. Et alors, pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'un reste de Denisovien, l'extraction d'ADN n'a pas fonctionné, mais c'était sans compter sur les progrès de paléoprotéomique. Jean-Jacques Hublin est paléanthropologue et professeur au Collège de France. Il a dirigé cette étude. Dès que j'ai vu ces photos, mon cœur a bondi dans ma poitrine parce que il était clair que c'était pas un Homo sapiens, que c'était quelque chose d'ancien, de très curieux par la morphologie. Un des seuls caractères qu'on peut vraiment décrire sur les restes de la grotte de Denisova, c'est la taille extraordinaire des dents. Beaucoup plus grande que tout ce qu'on connaît dans cette période-là. Et on retrouve une taille aussi très importante sur notre fossile depuis quelques années. On s'intéresse à une autre méthode moléculaire pour identifier des groupes d'hommes fossiles. Il ne s'agit plus de rechercher de l'ADN, mais il s'agit de rechercher des protéines qui ont survécu dans les tissus osseux ou dentaires. Alors, pourquoi on s'intéresse aux protéines? Eh bien, parce que les protéines, certaines d'entre elles, en tout cas, par exemple, certaines chaînes de collagène, survivent beaucoup plus longtemps que l'ADN dans le temps. Et si la plupart des ADN fossiles qu'on connaît ont, disons, moins de 100 000 ans, eh bien, avec des protéines, on espère remonter au moins 10 fois plus loin dans le temps. Alors, ces protéines, elles donnent beaucoup moins d'informations, évidemment, que l'ADN. Mais c'est quand même un outil précieux. Et donc, c'est cette technique-là qui a permis de faire le lien entre cette mandibule découverte au Tibet et puis les restes de la grotte de Denisova. Donc on se doutait que les Denisoviens étaient présents en Sibérie du Sud, mais aussi en Chine, car dans une étude récente, on a montré qu'il y avait des traces de leur ADN dans le génome des populations asiatiques actuelles. Avec ce fossile trouvé à plus de 3000 mètres d'altitude, on comprend mieux aussi pourquoi l'homme de Denisova est porteur d'un gène qui lui permet d'être plus adapté à une atmosphère raréfiée en oxygène. C'est un gène que l'on trouve d'ailleurs chez les Tibétains d'aujourd'hui. Alors ce qu'on découvre là depuis une dizaine d'années, c'est que l'évolution humaine en Asie est foisonnante et beaucoup plus complexe qu'on ne pensait. Il y a quelques semaines encore, on découvrait dans les Philippines une nouvelle espèce d'homme, Homo luzonensis. Là, avec cette mâchoire, on se rapproche d'une meilleure identification morphologique de l'homme de Denisova. J'ai appelé Antoine Balzo, qui est paléanthropologue au CNRS et au Musée de l'Homme à Paris. Pour lui, la discipline entre dans une phase de développement exaltante. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant avec cette découverte, c'est que ça ouvre maintenant la porte à la discussion sur ce que peuvent être les autres fossiles. Jusque-là, on était sur un groupe humain, les Denisoviens, définis que sur des gènes avec des caractères anatomiques pas assez bien détaillés pour pouvoir en dire quelque chose. Là, on a une mandibule. L'autre aspect intéressant, c'est que justement, l'ADN, mais aussi les fossiles, nous montrent qu'à une époque, il y a eu trois groupes humains différents, Néandertal, Denisova et Sapiens, qui d'un point de vue génétique sont suffisamment différents pour qu'on les reconnaisse. Donc ça montre un foisonnement qu'on suspectait déjà, qu'on avait déjà, mais là ça le démontre un peu plus fortement encore, le fait qu'il y a eu ces humanités parallèles en même temps. C'est une belle découverte, ça ouvre une nouvelle période, je pense, justement, parce que les Denisoviens étaient encore plus quelque chose de théorique pour les gens qui travaillent sur les os, puisqu'on n'avait que des traces génétiques. Et là, on trouve le premier os. On va nécessairement en trouver d'autres, rapprocher d'autres ossements à celui-là. Et puis, il va s'en suivre une grande discussion, justement, sur les modalités évolutives entre tous les fossiles en Asie, tous les hommes dans ces régions-là. Et ça va être sûrement un moment intéressant. Voilà, et à propos de cette nouvelle espèce humaine, découverte récemment mi-avril, je vous renvoie à l'émission de mardi dernier consacrée à Homo luzonensis, dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Ça vient d'être fait d'ailleurs. En bref, maintenant, une étude parue tout à l'heure dans la revue britannique The Lancet confirme une information importante, c'est qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH. Pour cette étude épidémiologique, pendant 8 ans, 1000 couples ont été suivis, des couples homosexuels qui ont des rapports non protégés et dont un des partenaires est séropositif. Et sous traitement, en 8 ans, il n'y a pas eu une seule contamination. Le traitement supprime la charge virale et empêche donc tout risque de transmission. Indétectable signifie bien intransmissible. Des neurochirurgiens américains viennent de créer un nouveau générateur vocal qui traduit l'activité cérébrale en paroles. Le Vocal Track Simulator a été testé sur 5 patients qui ont, grâce à une voix de synthèse, formulé une centaine de phrases. Les détails de l'expérience sont publiés dans la revue Nature. Alors comment ça fonctionne? C'est des électrodes sur la surface du cortex qui captent les signaux électriques du cerveau, puis un algorithme les traduit pour un synthétiseur vocal. Donc le système est toujours en cours de développement. Et puis on pensait que la langue n'avait pas de capteur olfactif. Une étude parue dans Chemical Senses démontre le contraire. La langue peut détecter les odeurs. Les papilles contiennent des récepteurs olfactifs similaires à ceux du nez. Alors selon les auteurs... François Julien. Ça ne s'explique pas beaucoup, François. Donc voilà, les interactions entre les sens du goût et de l'odorat ne s'initient pas dans le cerveau, mais au niveau de la langue. Deuxième sujet de ce journal des sciences, la recherche en fusion nucléaire progresse en Chine. Les machines à fusion HIST ont obtenu des résultats sans pareil, Natacha. La recherche en fusion nucléaire, c'est l'un des chantiers majeurs de la recherche dans le monde et pour cause, elle serait une source d'énergie inépuisable, propre, sans émissions de CO2 et sans déchets radioactifs. Alors depuis 2001, cette recherche s'est mondialisée avec le projet ITER. 35 pays, dont la Chine, se sont associés pour la construction d'un réacteur. Par ailleurs, la Chine a également lancé son propre programme et vient d'annoncer qu'un prototype de réacteur devrait fonctionner d'ici 2040. Alors pour bien comprendre, la fusion nucléaire, c'est la fusion de deux noyaux atomiques qui génèrent de la chaleur et donc de l'électricité. Les réactions de fusion, ce sont celles qui apparaissent dans les étoiles et dans le Soleil. Donc pour maîtriser ces réactions, il faut mimer les conditions qu'il y a dans une étoile au moyen d'une cage magnétique. HIST, la chambre de confinement magnétique chinoise, a atteint la température de 100 millions de degrés. C'est 6 fois la chaleur au cœur du Soleil. Et surtout, HIST a maintenu cette température pendant une centaine de secondes. C'est un record. Alain Bécoulé est directeur de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique du CEA. Il coordonne pour la France l'ensemble des activités de recherche en fusion nucléaire. Ce qu'ils ont fait sont les deux choses qui sont importantes, c'est d'atteindre ce type de température, ça c'est un véritable défi, et en particulier ça dépend d'une capacité non seulement à fabriquer des machines suffisamment grosses, et puis ils l'ont fait sur des temps suffisamment longs. Ça veut dire que la boîte, cette fois-ci matérielle, que vous mettez autour de cette cage magnétique, elle a toutes les bonnes vertus pour récupérer la chaleur et pour l'évacuer et pour la gérer. Donc ce sont des machines qui sont à la fois où les champs magnétiques qui sont fabriqués pour tenir le plasma sont des champs magnétiques à partir de bobines supraconductrices, et puis des milieux où la boîte elle-même tout autour est complètement refroidie, c'est-à-dire que toute la chaleur qui va ultimement de toute façon se retrouver sur cette boîte, elle est évacuée dans des circuits de refroidissement. Aujourd'hui, il y a très peu de machines au monde qui savent faire ça. La particularité technologique de la Chine, aujourd'hui, dans les résultats précis sur la fameuse machine East, ils ont fait ça dans une configuration particulière qui a pas mal d'avenir, dans une boîte matérielle qui a des composants dits phacoplasma qui sont en tungstène, en fait, en milieu métallique, etc., qui est aujourd'hui ce qu'il faut faire. On voit que la Chine est devenue aujourd'hui un des moteurs de la recherche mondiale, c'est sûr. En bref, le GIEC de la biodiversité se tient jusqu'à demain à Paris et on apprend qu'en Antarctique, la deuxième plus importante colonie de manchots empereurs a été dévastée, Natacha. En cause, la fonte des glaces liée au réchauffement climatique. La banquise sur laquelle les manchots avaient l'habitude de pondre s'est brisée. Plus de 10 000 poussins ont disparu. Dans la région, c'est la troisième fois que cela se produit depuis 2016. Selon l'étude publiée dans Antarctic Science, cette colonie de manchots a presque disparu. Selon une étude parue dans Science, la hauteur des vagues et la puissance des vents se sont intensifiées depuis 33 ans. Les données de 31 satellites et de 80 bouées océaniques sur 33 ans ont été analysées. Résultat, les vagues les plus fortes ont gagné 30 cm de haut. Alors les variations les plus importantes sont dans l'océan Austral, mais cela impacte toute la planète. Selon l'étude, cette intensification aura des conséquences sur les risques d'inondation et d'érosion. Puis le palais académique de la Sorbonne à Paris va accueillir de nouveaux portraits de femmes illustres. L'artiste Pochoiri C215 a peint pour la Sorbonne des portraits de 7 femmes de lettres et de sciences. Marie Curie, bien sûr, mais aussi la moins célèbre Elisabeth Garrett Anderson, la première docteure de la faculté de médecine de Paris. Inauguration mardi soir prochain. Et on termine comme chaque semaine par la rubrique préférée de François Angelier, notre rubrique de sciences improbables. Ah. Et selon l'armée indienne, François, le Yeti existe. Mais ça on le sait, je sais pas. Mais même maintenant, on a des photos en guise de preuve. Oui, elles ont été prises dans l'Himalaya, à la frontière népalo-chinoise, et on y voit dans la neige de grosses traces de pas, des traces de 80 cm sur 38 cm. Alors, on n'avait pas eu de nouvelles de l'abominable homme des neiges depuis 2008, depuis que des aventuriers japonais avaient photographié des traces similaires dans cette même région. Alors, l'hypothèse quand même la plus probable, c'est des traces de pattes d'ours. Moi, j'ai une autre hypothèse. Nicolas Martin, vous étiez où la semaine dernière? Eh bien, j'étais au ski avec François Angelier, justement. C'est nos raquettes! Et j'aimerais que cette information reste confidentielle. Merci beaucoup, Natacha. À la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Depuis le 23 avril, la Bibliothèque nationale de France organise et a ouvert les portes d'une exposition consacrée aux merveilleux scientifiques. Une expo sur la science-fiction, allez-vous me dire? Pas du tout, vous répondrai-je. Le merveilleux scientifique, ça n'est pas la science-fiction. Nous sommes au tout début du XXe siècle, en 1909, lorsque l'écrivain Maurice Renard publie son manifeste du merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès. Manifeste dans lequel il s'attelle à décrire ce qu'il qualifie de genre nouveau, qu'il place dans le sillon des romans de Wells, du docteur Jekyll de Stevenson ou de l'Ève moderne de Villiers de l'île Adam, on pourrait citer également Edgar Allan Poe, mais paradoxalement peut-être, et nous allons en parler au cours de cette heure, à rebours des romans de Jules Verne. Pour parler de ce genre qui fit florès jusqu'à l'entre-deux-guerres avant d'être oublié puis redécouvert dans les années 90, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique Fleur Hopkins qui est commissaire de l'exposition, Roger Musnick qui est animateur de la collection Les Orpailleurs édition de la BNF et François Angelier, producteur de Mauvais genre. Peut-être, Fleur Hopkins, pour commencer, le point de départ de cette exposition, ce sont vos travaux de recherche, vous êtes doctorante. Comment vous avez redécouvert vous-même ce genre du merveilleux scientifique? Alors, c'est passé par des travaux de recherche de Master 2. J'ai travaillé sur Albert Robida, qui est un ennemi avoué de Maurice Renard, donc c'est assez étonnant. Et il se trouve que j'ai rencontré par hasard, sur un blog, celui de Jean-Luc Boutel, le mot merveilleux scientifique, et tout de suite, il m'a captivé, et j'ai su qu'il y avait quelque chose à faire autour de ce terme profondément antinomique, mais tellement poétique. François Angelier, vous êtes allé voir l'exposition aussi. J'imagine que Roger Musnick également. Vous pouvez nous décrire un peu comment s'organise cette exposition. Une exposition sur la littérature, c'est toujours des expositions complexes à mettre en place, parce qu'il faut une composante visuelle. Comment est-ce que vous l'avez pensé, cette expo? De manière généreuse, d'abord, c'était l'idée, et accessible à tous. Au sens où il faut avoir des connaissances scientifiques tout de même précises sur ce qu'il se passe entre 1900 et 1930, à la fois en sciences et en pseudosciences. Et l'idée, c'était à la fois de donner des assises solides sur la découverte du radium, sur les optogrammes, sur les rayons X, et puis montrer comment ces découvertes scientifiques et pseudo-scientifiques donnent un imaginaire extrêmement riche en littérature, mais aussi en récits sous images. Et donc, l'exposition se compose de 16 panneaux dans l'allée Julien Quint à côté de la librairie, 6 panneaux contextuels et historiques qui remettent les choses en place et qui présentent la genèse et la formation du mouvement littéraire, et 10 panneaux thématiques qui nous montrent en fait l'actualité brûlante des thèmes comme la fin du monde, les hommes artificiels, le transhumanisme, etc. François Angelier. Oui, c'est un très beau travelling entre la librairie et puis la salle des Globes. Et l'intérêt surtout, c'est qu'il y a un très bon équilibre entre le texte et l'image. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une série de cartouches dans lesquelles on a des précisions, à la fois sur les auteurs qui sont montrés, sur les œuvres, des citations, sur les découvertes scientifiques. Donc on est soutenu dans son décryptage de ces années essentielles. Mais en même temps, ce qui ravit l'œil, mais de façon qui saisit véritablement, ce sont les couvertures et les illustrations, parce que c'est quand même, il faut le dire, le triomphe absolu de la culture et de l'édition populaire que cette exposition, au sens où ces couvertures, qui étaient celles de petits volumes qu'on vendait dans les librairies, dans les kiosques, les bibliothèques de chemin de fer, sont là agrandies. Et là, on voit le génie de ces illustrateurs, tant pour la figuration de tous ces personnages totalement inimaginables, la couleur, le graphisme. C'est vraiment aussi une grande exposition sur, je veux dire, l'histoire de l'édition populaire. Roger Musnick. Non, je ne l'ai pas encore vu. Ah, pardon pour moi. Alors, je vais me retourner vers vous peut-être pour parler un peu de ce genre nouveau qui est le merveilleux scientifique. Peut-être avant, pouvons-nous faire une petite remise en contexte littéraire. Donc, le manifeste de Maurice Renard date de 1909. Et c'est vrai, quand on pense, et on en a parlé ici, et notamment avec vous, François, quand on pense début de la science-fiction, on pense à Marie Shelley, on pense à Jules Verne, et c'est vrai qu'on laisse un peu de côté. Peut-être qu'on peut redire en quelques mots, quel est l'environnement littéraire du merveilleux, du fantastique et de la part de la science dans la littérature à la fin du 19e et du début du 20e siècle? Eh bien, la science-fiction, toutes ces choses-là arrivent petit à petit. Je veux dire, bon, il commence à y avoir, par exemple, une dystopie en 1848 ou 48 par Émile Souvestre. Il commence à y avoir, bon, il y a Jules Verne, il y a d'autres écrivains qui écrivent sur le voyage spatial, sur le futur imaginé. Il y en a pas énormément, mais ça commence à s'accélérer au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin du 19e siècle. Je peux vous donner quelques noms. Hein. Allez-y, avec plaisir. Bon, alors il y a les auteurs les plus connus. Hein, c'est des auteurs d'ailleurs. C'est une des spécificités aussi de cette période, c'est que alors qu'à l'heure actuelle la science-fiction c'est un genre et les gens qui écrivent en science-fiction généralement écrivent pas dans d'autres genres, ou alors ils quittent le domaine de la science-fiction. Bon, il y a toujours des exceptions. À l'époque non. À l'époque À part Camille Flammarion, qui est un scientifique qui écrit des romans, Villiers de l'Isle-Adam, qui n'écrit pas de la science-fiction, mais il écrit un roman de science-fiction, on va appeler ça comme on veut. Hein. Les Futurs, pour Les ne futurs, citer que celui-là. Voilà. Les Futurs. Grand roman. Oui, mais il y en a pas mal, mais la plupart de ce genre-là, c'est une thématique. C'est pas un genre, c'est une thématique. Et la plupart des écrivains écrivent ça à côté d'autres choses. C'est-à-dire que c'est un détour dans une carrière littéraire, et contrairement à ce qu'on verra plus tard, effectivement, avec des écrivains qui se spécialisent dans le genre de la science-fiction à partir des années 30, c'est une sorte de passage, de chemin de traverse, Fleur Hopkins. Absolument, mais toujours est-il qu'il est force est de constater que de nombreux auteurs merveilleux scientifiques, je pense à Maurice Leblanc, qu'on connaît plutôt pour Arsène Lupin, ont officié par hasard dans le merveilleux scientifique, ils ont pris goût à cette littérature-là. Rouyn-Yéné, qu'on connaît plutôt pour la guerre du feu, on va avoir des noms comme ça qui nous sont connus plutôt dans les romans à clé, des romans à mystère. Je pense à Gaston Leroux qui va écrire Balaou par exemple. Et du coup, effectivement, avec le merveilleux scientifique, il va y avoir tout un florilège d'auteurs qui vont se spécialiser, mais qui vont circuler, qui vont être aussi dans le roman d'aventure scientifique. Voilà, on va avoir une nébuleuse d'auteurs et qui vont se trouver des affinités avec ce genre. Ce qui est intéressant, peut-être qu'il faut souligner, François, c'est que Maurice Renard va fixer dans ce manifeste ce qu'est le merveilleux scientifique, mais en fait, effectivement, c'est un genre, on intègre, on est en pleine révolution, post-révolution industrielle, on est en train de faire des grandes découvertes, le radium, les rayons X notamment, et d'un seul coup, ce sont des genres que s'approprient des auteurs de littérature dite plus classique. Effectivement, oui. C'est comme les contes fantastiques ou les récits érotiques. Il y a toujours un auteur qui a maintenant une trajectoire sur un type de littérature. Et puis, de temps en temps, il fait un pas de côté. Il donne un coup de canif au contrat. Il fait un érotique. Il fait un polar. Il fait un roman horrifique ou fantastique. Ça, c'est, mais ça continue jusque dans les années 30, 40, 50, ça. Non, ce qui est intéressant avec le merveilleux scientifique, c'est vraiment la littérature post-vernienne. C'est-à-dire que Verne, c'est 1862-1905. Il meurt en 1905. Et là, on peut dire que bon, l'effet Verne retombe. Il était déjà retombé depuis pas mal d'années, mais là, bon, les choses s'interrompent un peu. Et c'est 1909, le manifeste de Maurice Renard. Quatre ans après la mort de Verne. Et on voit que Renard récupère tout un tas de trouvailles et d'audaces que Verne n'avait pas suivies. Par exemple, chez Verne, vous n'avez pas de robot. Qu'on ne dise pas la maison à vapeur. La maison à vapeur, c'est pas un robot d'éléphant. C'est un éléphant, c'est une locomotive maquillée en éléphant. Il n'y a pas de robot chez Verne. Il y en avait chez Villiers-l'Isle-d'Adam, par exemple. Les futurs, là, il y a un robot. Et il y aura des robots chez Leroux, chez les auteurs de merveilleux scientifiques. Donc, c'est une littérature post-vernienne et qui, justement, reprend, use d'une voie dont Verne n'a jamais voulu. C'est-à-dire de mélanger un petit peu le connu et l'inconnu. Ça, Hetzel y était totalement opposé. Et donc, avec Verne, on a véritablement l'ouverture, je dirais, pas dire de ce marché, mais de ce continent narratif plus élégant. François Angelier dit littérature post-vernienne. Est-ce qu'on pourrait dire presque pousser le bouchon jusqu'à dire littérature anti-vernienne, Fleur Hopkins? Ça, Maurice Renard l'apprécierait beaucoup. Il le dit très bien dans son manifeste. Jules Verne n'a jamais écrit une seule phrase de roman merveilleux scientifique. Donc, il l'assume. Et en fait, ce qu'il n'apprécie pas trop chez Jules Verne, c'est qu'on a à la fois récit d'aventure, on a technique fiction et on a vulgarisation scientifique. Et ça, ce n'est pas du tout le but du roman merveilleux scientifique. Il va effectivement procéder de découvertes pseudo-scientifiques et scientifiques, mais son credo, c'est de faire vivre une expérience de pensée au lecteur. Roger Musnick, justement sur ce lien entre quels sont les deux, qu'est-ce qui oppose finalement le récit fantastique à une connotation scientifique vulgarisatrice, pour essayer d'employer une grande périphrase pour parler de la littérature vernienne, et ce que Maurice Renard définit comme le merveilleux scientifique? Jules Verne se considérait comme un technicien. Je veux dire, dans un interview, il disait, il a dit une fois, moi, je suis pas un scientifique, moi, je m'intéresse à la technique. Et chez Jules Verne, c'est la technique. Alors, bien sûr, il a inventé, entre guillemets, il a inventé le sous-marin, encore que le sous-marin existait déjà à l'époque, le voyage dans l'espace avec Robert le Conquérant, etc. Mais ce sont des inventions qui sont sur le point de se faire. Maurice Renard, lui, dit le contraire. Il dit je veux lancer la science dans l'inconnu. C'est une situation textuelle. Il dit vraiment le merveilleux scientifique, c'est la science qui fait un pas vers l'inconnu. Oui, il faut lancer la science dans l'inconnu et voir. Non, il faut lancer la science dans l'inconnu et voir ce qui va se passer. Et c'est là où c'est contradictoire. Pensez en Julien. Oui, la grande différence, c'est que Renard est tout seul. Il est maître en son domaine. Verne obéissait à une feuille de route qui lui avait été donnée par Hetzel. Et ben, pour beaucoup d'aspects, le monde vernien est contradictoire au monde hetzelien, notamment sur le plan de l'audace et de la fantaisie. Si Verne avait eu l'autonomie de Renard, peut-être que l'œuvre de Verne aurait été différente. Il n'y a peut-être pas eu d'œuvre de Verne aussi large. Donc ça c'est totalement évident. Et effectivement, Verne n'est pas du tout un scientifique. Il a fait des études de droit. C'est quelqu'un qui connaît bien la vulgarisation technologique. Michel Serres l'a dit, Verne n'a rien inventé du tout, sauf la télévision. C'est pas si mal, c'est dans le château des Carpates, cette mélange d'images, d'hologrammes avec du son, c'est peut-être une invention vernienne. Mais le reste, tout ça, il l'avait récupéré ailleurs, il passait ses après-midi dans un cabinet de lecture où il feuilletait les revues de vulgarisation. Voilà. Alors que effectivement, avec Renard, on est dans l'audace conceptuelle scientifique. Qui est Maurice Renard? Peut-être un mot sur lui, sur ce qu'il apporte, sur sa littérature, Fleur Hopkins? Maurice Renard, donc auteur champenois, il a fait des études de juriste et il s'en est détourné assez rapidement parce que sa passion c'était la littérature. Il a eu la chance d'avoir les deniers qui lui ont permis justement d'écrire de manière autonome, désargenté pendant la Première Guerre mondiale, bombardement de sa maison à Reims, et ça va lui causer de nombreux démêlés et l'obliger à travestir par la suite sa littérature où le merveilleux scientifique va être distillé de manière beaucoup plus discrète. Et alors le merveilleux scientifique, donc qu'il théorise, et on va entendre des mots de ce manifeste dans quelques instants. L'expression merveilleux scientifique, elle ne vient pas de lui. C'est pas lui qui l'invente. Elle est déjà dans l'air du temps. Absolument. Elle est déjà employée par d'autres auteurs. Elle ne vient pas de lui. Alors on peut vraiment pinailler, regarder sur Gallica et pointer. Il va y avoir cette expression utilisée pour Victorien Sardou et sa perle noire dans laquelle un éclair va subtiliser un collier. On l'a chez le médecin Lorda qui va l'utiliser pour décrire ce qui n'est autre que il était une fois la vie, une petite allégorie dans un corps humain. Mais à mon sens, c'est surtout Joseph-Pierre Durand de Gros, un physiologiste, qui emploie cette expression « attention sans tiret » pour qualifier le mouvement de normalisation du surnaturel et de la merveille dans les années 1880. Il prend pour exemple Jean-Martin Charcot qui va intégrer l'hypnose à la Salpêtrière. Et il nous dit précisément, cette fin de siècle, c'est la normalisation, la scientification, il utilise des néologismes, du merveilleux. Et précisément, Maurice Renard, il réutilise cette expression qui est symptomatique en fait d'une époque où des savants, vous l'avez dit, comme Camille Flammarion, comme Pierre Curie, comme Charles Richet, se passionne pour les mystères de la parascience. Et ça permet aussi d'interroger la nécessité pour le conte de fées et pour le merveilleux de se moderniser. Dans l'espace merveilleux scientifique, on n'a plus de miroir magique. On va avoir une plaque de luminite dans le maître de la lumière qui nous fait voir le passé, par exemple. C'est intéressant, et c'est ce que j'évoquais dans l'introduction de cette émission, c'est que quand on découvre le merveilleux scientifique, tel que le formalisme Maurice Renard et les autres auteurs dont on va parler dans un instant, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est une littérature à cheval entre deux siècles, à cheval entre deux époques, qui utilise la science pour la plonger dans un milieu qui est encore un milieu fait de contes, de superstitions, de merveilleux, donc de merveilleux au sens fantastique du terme et pas au sens de Todorov. Absolument, et Maurice Renard a une très belle expression pour signifier cela. Il dit qu'il veut être à la marge, qu'il veut être dans le duvet de la science. Et je trouve que c'est une manière très élégante, justement, d'exprimer. Il appelle même à un moment son genre parascientifique, cette idée d'être à côté de la science, mais de cheminer main dans la main avec elle, dans une forme de poésie. Le duvet de la science, ça vous enchante, François? Oh oui, c'est beau. Mais ce qui est important, comme le disait Fleur Hopkins, c'est qu'il y a un tiret, et tout est dans le tiret. C'est que merveilleux scientifique ne s'écrit pas, c'est pas le merveilleux du scientifique, c'est le merveilleux scientifique avec un tiret entre les deux. Donc vraiment un arraisonnement de la culture folklorique du merveilleux, du sentiment du merveilleux, par la civilisation scientifique. Et ça, c'est très important. Bah, c'est comme l'expression « fée électricité ». Qu'est-ce qu'il y a de plus contradictoire entre une fée et l'électricité? Immédiatement, d'ailleurs, très étonnamment, il y aurait toute une enquête à faire, sans doute l'avez-vous faite pour votre thèse, sur cette volonté de fusionner, de joindre des termes, de manière oxymorique, des termes qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire la fée qui renvoie au folklore, à l'intemporel, au conte sans mémoire et tout ça, et puis l'historicité du scientifique. Comme si on avait peur de la science et on lui collait un peu de merveilleux, ou comme si justement on était un peu conscient que le merveilleux était dépassé et qu'il fallait un peu le rajeunir avec le scientifique. Je sais pas, il y a cette deux tensions, tout à fait. Comme je le disais, il y a à la fois modernisation du conte de fées et puis normalisation de la parapsychie et de la métapsychie. Et ça se retrouve très bien dans cette expression qui, à mon sens, procède aussi du docteur Lerne, publié en 1908, avec des expériences terribles de greffe animale et végétale, puisque précisément, il nous fait là une greffe, une forme d'hybridation où les deux termes sont conjoints, mais n'oublions pas que la greffe, on a porte-greffe, on a greffon. Là, on ne sait pas qui rejoint l'autre. Est-ce que c'est le merveilleux qui devient scientifique ou la science qui devient merveilleuse? C'est l'image de l'hybridation et de la greffe pour définir le merveilleux scientifique, effectivement très opérante, et on entendra un extrait lu tout à l'heure par un sinistre personnage. J'aimerais qu'on parle avant d'entendre et d'entendre les mots de Maurice Renard, en tout cas sa littérature, de parler un peu de ce manifeste. Ce manifeste, donc, Maurice Renard l'écrit en 1909. Son titre exact, c'est « Durement merveilleux scientifique » avec un tiret donc, et de son action sur l'intelligence du progrès. François, est-ce que vous voulez nous en lire peut-être les quelques derniers mots qu'on entende, comment Maurice Renard, chapitre. Les derniers paragraphes? Voilà, tiré du Spectateur, numéro 6 d'octobre 1909. Je n'insisterai pas davantage sur l'une des nombreuses questions engendrées par la naissance du roman merveilleux scientifique. La façon sommaire dont je l'ai traité me dispense d'un résumé qui n'aurait pour résultat que d'allonger l'étude sans l'éclairer davantage. Toutefois, les réflexions précédentes sur ce nouveau genre littéraire, me paraissant contenir tous les éléments de sa définition, je la donnerai pour terminée et je ne crois pas que l'on puisse mieux servir la cause de Wells et de ses pareils, ni mieux désigner leurs ouvrages à l'attention et au respect de tous qu'en disant, deux points ouvrez les guillemets, « Le roman merveilleux scientifique est une fiction qui a pour base un sophisme ». Pour objet d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers plus proche de la vérité, pour moyen, l'application des méthodes scientifiques à l'étude compréhensive de l'inconnu et de l'incertain. Commentaire libre, Jérémy Snick. Eh ben, je n'ai pas de commentaire. tout est dit. Fleur Hopkins, un mot peut-être pour qualifier ce que fait Maurice Renard dans ce manifeste. Sa spécificité, à mon sens, c'est effectivement de se détourner de Jules Verne. Il ne veut pas anticiper, il le dit très clairement, il veut être à la marge de la science et surtout il veut placer dans le présent son intrigue et y altérer une loi physique, chimique, biologique pour, encore une fois, donner à réfléchir à son lecteur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend aussi position, là je parle plutôt de ses archives et non pas du texte manifeste, contre Jules Verne, mais aussi contre Wells, étonnamment. Parce qu'il va porter héritage comme un lourd fardeau et il va le dire à un moment, il va dire ce surnom de Wells français, parce qu'on le retrouve appelé comme cela dans la critique de l'époque, dans le Mercure de France, sous la plume évidemment d'Henri Davray, il le dit, ce surnom de Wells français, et il le dit de manière extrêmement belle, c'est une truelle d'or dont c'est un mortier d'or dont on m'a frappé à pleine truelle le visage. Et ça a été une grande difficulté pour lui parce qu'en fait, il a été reconnu en tant que Wells français et il n'a pas su du coup s'autonomiser. C'est intéressant parce que son premier roman dont on va parler tout à l'heure, le docteur Lern, qu'on a évoqué, est un héritage de Wells. Il le propose, il est dédié à Wells. Ce qui est intéressant, peut-être pour continuer d'essayer de circonscrire un peu ce que recouvre ce merveilleux scientifique, toujours avec les mots de Maurice Renard, c'est que Maurice Renard écrit « La science est incapable de nous montrer nulle merveille au sens propre du mot, loin de là, elle est la grande tueuse de miracles ». Donc à travers cela, on voit bien la tension oxymorique dont parlait François Angelier entre ces deux univers qui se contentent en fait de dérouler, de sortir, de créer une petite branche à partir du réel, juste en modifiant une loi en fait. Et Miracle, c'est d'ailleurs un des surnoms que se donnait Maurice Renard. Il se surnommait le scribe de Miracle, qu'on retrouvera plus tard avec Bergier dans Le Matin des Magiciens, évidemment. Ça veut dire, Roger Musnick, qu'il faut comprendre le merveilleux scientifique comme étant délibérément du côté du mensonge et pas du tout, contrairement à ce que faisait Verne, du côté de la vulgarisation ou de la tentative de coller à une réalité d'anticipation. Il utilise le mot sophisme, c'est pas le mensonge, c'est voilà. Bon, mais effectivement, le but, c'est ben, il dit l'aventure d'une science poussée jusqu'à la merveille ou d'une merveille envisagée scientifiquement. Je veux dire, il met bien les deux choses côte à côte. Et je veux dire, pour lui, c'est important d'avoir du merveilleux, d'avoir quelque chose qui n'est pas réel. Mais à partir de là, on fait les choses scientifiquement, plus ou moins, hein, parce que c'est pas de la vraie science. On fait les choses quand même plus ou moins scientifiquement, et c'est de la science-fiction. C'est vraiment de la science-fiction. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction, Fleur Hopkins ? Ouh là là, le terme n'existait pas en 1909, donc c'est un peu problématique. Mais si on veut simplifier, c'est une forme évidemment de science-fiction, de conjecture romanesque rationnelle, chacun a son petit mot préféré. On va rappeler que la science-fiction, c'est un néologisme en 1909, puisque le terme apparaît dans les années 1930. 1926, science-fiction, voilà, et 1929, science-fiction, tout à fait. Thank you. Route d'Azur de Claude Bolling, qui est un extrait de la bande originale de l'adaptation des Mains d'Orlac en 1960. Les Mains d'Orlac, qui est un des romans de Maurice Renard. Nous parlons de Maurice Renard puisque c'est le théoricien du merveilleux scientifique avec un trait d'union auquel la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition en ce moment et jusqu'au 25 août sur le site François Mitterrand. Nous en parlons avec la commissaire de l'exposition Fleur Hopkins, avec Roger Musnick, qui est l'animateur de la collection Les Orpailleurs aux éditions de la BNF, et avec François Angelier, producteur de Mauvais Genre. Alors on va rentrer un peu justement dans ce corpus littéraire du merveilleux scientifique. On parle beaucoup de Maurice Renard, mais il n'y a pas que Maurice Renard, même si c'est tout de même, ah, François Angelier, Dodeline de la tête, ah, il y a essentiellement Maurice Renard, mais vous allez faire bondir Fleur Hopkins. Non, il n'y a pas que Maurice Renard malgré tout, mais le premier texte, le texte fondateur que nous évoquions tout à l'heure, puisqu'il est publié en 1908, soit un an avant la rédaction et la publication du Manifeste, c'est un texte de Renard, il s'agit du docteur Lerne sous Dieu, un extrait lu, je vous le disais, je vous l'avais promis, par un bien ombrageux personnage. Affaissée en tas sur ses roues amollies, elle était déformée comme l'eût été une automobile de cire à moitié fondue. Les leviers se penchaient, courbés comme des barres de caoutchouc. Les projecteurs informes avaient l'air dégonflés et leurs lentilles, bleuâtres et gluantes, ressemblaient à des taies sur des yeux morts. Je vis des taches suspectes qui rongeaient l'aluminium et des trous corrodant le fer. L'acier devenu poreux s'effritait et le cuivre avait pris une consistance spongieuse de champignon. Enfin, une lèpre rousse ou verdâtre marbrait la plupart des organes et ce n'était ni la rouille ni le vert-de-gris. Par terre, l'ignoble fumier s'entourait d'une flaque sirupeuse et dégoûtante qui en sourdait, mordorée de louches irisations. D'étranges réactions chimiques faisaient de temps en temps bouillonner à lourdes bulles crépitantes cette chair métallique en putréfaction, et à l'intérieur du mécanisme, il y avait d'intermittents borborygmes qui gargouillaient. Tout à coup, dans une chute flasque, ainsi qu'une bouse sur de la boue, le volant s'effondra, défonçant la plateforme et par contre-coup le capot. Une bouillie sans nom s'y agita, et l'horrible puanteur de la décomposition organique me jeta en arrière. Mais j'avais eu le loisir d'apercevoir au fond de l'ombre le grouillement des vers cadavériques. Vous avez reconnu la voix de mon illustre camarade François Angelier. C'est un extrait d'une émission de Mauvais Genre en 1999. Quand on entend ces mots de Maurice Renard, on se rend compte à quel point c'est une littérature de l'époque, c'est une littérature décadente. On entend du Jean Lorrain, on entend du Camille Lemonnier, on entend du Huysmans, évidemment. Oui, totalement. C'est le fils de son temps, c'est-à-dire qu'il arrive à mêler toutes les extas, les délices fétides et effrayants du décadentisme avec ce maniérisme, ce byzantinisme d'écriture très ouvré. Enfin, c'est le style Guimard, c'est le style Mucha en littérature. Et puis un souci, un peu une obsession comme ça de la découverte scientifique, avec un peu de fantastique fin de siècle aussi. Donc c'est très bien Renard, parce que c'est un auteur impur, c'est un auteur hybridé lui aussi, donc voilà, c'est savoureux. Fleur Hopkins, une réaction au style particulier de Renard et à ce qu'il va diffuser de ce merveilleux scientifique. C'est un mauvais genre au sens propre du terme. Vous parliez là pendant qu'on écoutait la musique de scènes de zoophilie qui ont scandalisé les critiques littéraires. Scandalisé, qui ont même été censurées quand elles ont été traduites en langue anglaise. Et un autre texte qui a beaucoup scandalisé à l'époque, c'est Le Singe, qui a été écrit avec Albert Jean dans les années 20. Et on est dans des thématiques similaires, parce que c'est le savant Siruc qui essaye de se cloner, et sauf que les cadavres n'ont pas la vie. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas transfuser l'âme. Et c'est le problème précis du docteur Lerne. On ne peut pas transfuser une âme dans ce corps de voiture qui finit par pourrir. Donc oui, les textes de Maurice Renard ont assez scandalisé. Je disais pendant la pause que Guillaume Apollinaire avait dit que ce roman-ci était le roman subdivin des métamorphoses. Mais à côté de ça, on va avoir des critiques assez virulentes. Et je pense au fameux abbé Bethléem qui, lui, critiquait à tire-larigot tous ces textes-là. Et il était classé comme un roman dangereux et réservé aux grandes personnes tout de même. Roger Musnick, c'est une littérature qui est un héritage du symbolisme, du décadentisme, qui s'inscrit dans cette période-là, dont on sait que le décadentisme ou le symbolisme avait un rapport très particulier, très sceptique vis-à-vis de la science, mais en même temps très fasciné. Oui, effectivement. Mais en même temps, il y a quand même d'autres écrivains qui sont moins portés vers ce style-là. Il y a notamment tous les écrivains populaires, enfin tous les écrivains populaires qui écrivent de la littérature populaire, et c'est pas forcément, je veux dire, ils s'intéressent pas trop au style. Donc, je veux dire, on peut effectivement se concentrer sur les grands. Rosnienet aussi, je veux dire, il a le même style. Bon, mais on peut aussi avoir d'autres auteurs qui ont pas du tout le même style, qui ne cherchent pas à avoir un style particulier. Ce qui compte pour eux, c'est l'intérêt du lecteur. Enfin, l'intérêt du lecteur, c'est que le lecteur soit happé, ne sorte plus. Bon, mais effectivement, le problème de ce genre d'écriture, c'est que ça correspond à une période donnée. Bon, une fois que la période est passée, souvent, ça paraît un peu suranné, défait, etc. Faut-il se surprendre alors que l'on redécouvre le merveilleux scientifique à la fin du siècle suivant, puisque les queues de siècle se ressemblent, comme disait Huysmans, cher François Angelier. Bah oui, c'est une forme de byzantinisme littéraire qui évoque toutes les décadences possibles, que ce soit celle de Byzance, de Rome, ou même la fin du Moyen-Âge, à l'époque d'Isabeau de Bavière et de Gilles de Rais. Donc, il y a un côté Gilles de Rais dans le docteur Lerne, d'ailleurs. Moi, j'aime bien le docteur Lerne aussi, puisqu'on y trouve effectivement le docteur Moreau. C'est la version, je dis, banlieue parisienne du docteur Moreau, qui n'est plus dans son île, mais beaucoup plus proche de nous. Et ce sont des figures. Alors, moi, une question que je me pose à propos justement du docteur Lerne, 1908, c'est l'impact de la Première Guerre mondiale sur le merveilleux scientifique. Parce que les dates que Fleur Hopkins et la collection de Roger Mustic ont retenues excèdent largement avant et après la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1928, est-ce 1930. Est-ce qu'en 1919, on peut encore parler de merveilleux scientifiques? Alors, je vais d'abord donner une petite précision sur le docteur Lerne, c'est que la figure fantomatique qui hante ce roman, c'est celle d'Alexis Carrel, évidemment. En 1908, il a quand même fait ses expériences. Oh là là, eugéniste vers la fin, mais vers la fin, mais à l'époque. Tout à fait, la méthode de la suture enseignée par une couturière, etc. Il va par exemple greffer une tête de chien sur un autre canidé avec Guthrie, et ça va influencer quantité d'auteurs. Je pense à Rosenstiel, par exemple, dans Le Merveilleux Scientifique. Donc il faut bien garder en tête qu'il y a des figures scientifiques qui ont influencé cet imaginaire-là. J'ai oublié la suite de la question, pardonnez-moi. La question, c'était l'influence de la Première Guerre mondiale, puisque on voit. Pas rupture en 14, tout voilà. À fait. Alors, en 14, oui, parce que certains disent que dès 14, dès le début, on passe à une autre forme. Même que dès 14, dès les hécatombes. Pourquoi? Parce que, selon moi. L'homme truqué, on peut le dire, qui est publié en 1921, dans sa version feuilletonnaise dont je sais tout, 23 chez Pierre Lafitte. C'est ça. L'homme prend pour personnage principal une gueule cassée. Tout à fait, un soldat, et on va avoir d'autres récits, par exemple le héros Pierre de Givreuse qui va être démultiplié par une expérience de bipartition cellulaire assez étrange justement sur les champs de bataille, mais précisément la Première Guerre mondiale ne va pas causer une rupture dans les thématiques qui sont abordées, parce que cette question de l'altérité, du corps morcelé, greffé, qu'on peut modifier, je pense même dès 1912 avec le fameux docteur Cornelius Carnoplast, on est avant la Première Guerre mondiale, ce sont des thèmes qui hantent l'imaginaire merveilleux scientifique, et moi dans mes recherches il ne m'est pas paru significatif de marquer une rupture, bien qu'il y a changement de thématique et il y a ce spectre d'une super science qui passe aussi par des gaz. On va avoir effectivement les rayons et les gaz qui sont des nouvelles thématiques employées dès lors, et cette question de la cécité, elle touche au gaz moutarde et compagnie, mais il n'y a pas lieu, selon moi, effectivement, de marquer une rupture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement qu'on pourrait dire que ce merveilleux scientifique, c'est une science contrariée, c'est une science qui termine mal, c'est une science ombrageuse. Une science inquiète. Une science inquiète. C'est vraiment le mot, oui. Inquiète et mélancolique. Qu'en pensez-vous, Roger Musnick? Oui, tout à fait, mais en même temps, je pense que la Première Guerre mondiale marque quand même une certaine rupture. C'est-à-dire, avant, bon, même s'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui sont importants, qui en font, il y en a quand même quelques-uns. Après, il n'y en a plus. Et après, alors, s'il y a toujours Rosnienet, Maurice Renard, ceux qui avaient démarré avant, mais après, il n'y en a plus beaucoup. Je crois que la Première Guerre mondiale, elle fait vraiment un écran, une sorte d'opposition. La science, je veux dire, avant, la science, c'était prometteur, même si effectivement la plupart des auteurs étaient un peu, je veux dire, en France, on est quand même assez anti-scientifique, hein, bon, mais quand même tout le 19e siècle est traversé par le progrès, la science, etc. 1914-1918, c'est la rupture. Venir, la science, c'est que du mauvais. Bon, je vais vite. Hein, bon, Ce qui est certain, c'est que même dans l'histoire des sciences et dans le rapport entre les scientifiques et les citoyens, il y a effectivement une rupture historique après la Première Guerre mondiale. Et à partir de là, je veux dire, bon, On a Maurice Renard, on a Rossini, on a d'autres quelques auteurs, mais la plupart des textes qui vont être publiés, ce sont des auteurs de littérature populaire qui eux s'intéressent moins à ça. Eux, ce qui compte, c'est publier le plus possible, accrocher le lecteur par des inventions complètement délirantes, par des trucs complètement fous, mais voilà. Fleur Hopkins, quelle est la postérité justement de ce mouvement après le manifeste de Maurice Renard? On a entendu un certain nom, René Henné, d'auteurs qui font des crochets, des détours, mais est-ce que ce mouvement littéraire prend vraiment dans la littérature populaire ou est-ce que ça reste un mouvement marginal, hybride, un mauvais genre? Malmené presque, j'avais envie de dire. Oui, effectivement, on va avoir quand même quantité d'auteurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser tout de même les auteurs qui ont participé à la nébuleuse Merveille Scientifique. On va avoir surtout des médecins aussi, et ça c'est très significatif. Cet intérêt des médecins. Je pense à Henri-Jacques Promène qui lui avait des connaissances scientifiques très solides. André Couvreur qui va produire quantité de textes, une invasion de macrobes qui à lui tout seul résume bien la démesure de ce texte. On va voir Octave Béliard et les petits hommes de la Pinède dans les années 30. Une invasion de macrobes, dites-nous un mot, j'aime beaucoup ce titre. Une invasion de macrobes, le très simiesque, c'est comme ça qu'on le décrit, professeur Tornada, lâche sur Paris et ses alentours des microbes devenus macrobes pour se venger des académiciens qui s'étaient moqués de ses recherches. Mais tout finit bien et on peut utiliser du vinaigre de cuisine pour anéantir les microbes. Merveilleux. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, gardez toujours une bouteille de vinaigre donc, à portée de main. Concernant la réception du coup du Merveille Scientifique et surtout son déploiement, effectivement, ça n'a pas pris comme Maurice Renard l'aurait souhaité. Et c'est pour ça que significativement, il va donner des noms différents à son genre littéraire jusque dans les années 30. Roman d'hypothèse, roman parascientifique, conte à structure savante. Il va essayer, il va tenter, il va instaurer un prix à son nom tout de même à la Société des gens de lettres pour essayer d'étendre le spectre et de montrer que des auteurs contemporains s'y intéressent. Mais jusque dans la fin des années 30, on va avoir de nombreux récits merveilleux scientifiques, mais travestis, dissimulés. Il va y avoir, je pense pas une reddition, mais une forme de mélancolie. Et pour clore cette petite présentation, j'ai trouvé dans les notes d'archives de Maurice Renard une note très mystérieuse où il y a marqué « Faire une conférence sur le merveilleux scientifique ». Un addendum ajouté à la main où il met « Je retrouve cette note le 17 avril 1932 et je souris d'un sourire complexe ». Je vous propose d'écouter un autre extrait, un autre ouvrage important. Alors, on va refaire une petite marche arrière sur la frise chronologique, puisqu'on retourne en 1911. Le Péril bleu, c'est un extrait lu par Jacques Thiry en 1960. Tout le monde entend venir le bourdonnement. C'est l'arrivée d'une grosse mouche, ou mieux, d'une phalène. Oui, c'est le bourdonnement de la phalène suspendue au-dessus des fleurs où plonge sa longue trompe. Un murmure à la fois robuste et doux, qui semble strident, quoique fort bas, qui est en effet curieusement sombre, même au sein de l'obscurité, et qui vous trépide dans la poitrine comme l'arbre de couche d'un steamer. D'ailleurs, voici les vitres qui entrent en vibration. Il murmure « Cela vient d'en haut. » Non, cela vient du Marais, d'Artemar, de Culose. « Montagne !» fait la grand-mère haletante. Madame Letellier, une main sur sa gorge qui bat, prononce dans un souffle « Oh, c'est encore très loin, maman, croyez-y. » Mais elle n'a pas fini qu'une brise légère, inexplicable, vivifie les frondaisons. Les feuilles bruissent et soudain résonne un clac assourdissant. On sursaute au claquement sec qui vient de retentir au dehors, on ne sait où, pas loin, certes, et semble-t-il, en l'air. Flo-Flo aboie furieusement. « La foudre ?» interroge Madame Arquedouve. « Non, ma mère, lui répond Monsieur Letellier, il n'y a pas eu d'éclair, nous n'avons rien vu. Ce n'est donc pas non plus une étincelle, un éclair factice, évidemment. Maxime, va-t'en de la fenêtre, implore Madame Letellier. Écoutez encore, commande l'astronome. » Le chien donne de la voix et file vers le bout du jardin. Il poursuit les sarvents, c'est sûr. Il se dérobe. Aussi bien le bourdonnement a cessé, mais Madame Arquedouve affirme qu'elle le distingue toujours. Voilà, cet extrait donc du Péril bleu, lu par Jacques Thiry. C'est intéressant parce que c'est en 1960, c'est une archive de la radiodiffusion française, issue de l'émission Écrivain méconnu, chef-d'œuvre oublié. J'ai trouvé que ça résumait bien tout cette émission. Un mot, peut-être, sur le Péril bleu, je ne sais pas, mais en tout cas, Les mains d'Orlac a connu une assez belle postérité, notamment grâce, alors c'est encore Maurice Renard, grâce à ses adaptations cinématographiques. notamment aux États-Unis, puis en France, Mad Love, absolument. Ça veut dire que tout de même, il y a eu une réception de ce genre outre-Atlantique, ça a essaimé un peu en dehors des frontières françaises. Alors une réception en fait beaucoup plus élargie, puisque moi j'ai travaillé très récemment sur la réception du merveilleux scientifique partout, que ce soit en République tchèque, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, et j'ai eu de très belles surprises. Ou par exemple, pour vous donner un exemple, la revue Il Romenzo Mensile, une revue italienne, va publier près de 26 traductions de textes merveilleux scientifiques, attention, illustrées par des illustrateurs locaux. Donc ce qui nous montre bien qu'il y a eu captation et même réinvention du merveilleux scientifique outre frontières. Tout à fait. Donc ce film témoigne effectivement d'un phénomène de réception outre-Atlantique, mais de manière générale, le merveilleux scientifique a été lu ailleurs aussi. François-Angélie. Oui, on parle de la transmission au cinéma. Il y a un film qui, à mon avis, répond totalement à ce modèle, c'est Les yeux sans visage. Bien sûr, de Franju. De Georges Franju, oui. Avec Brasseur et Edith Scob, l'immense figure d'Edith Scob. Et là aussi, cet homme donc, dont la fille a été défigurée dans un accident et qui assassine des jeunes filles pour leur voler le derme du visage pour essayer de le greffer sur sa fille. On retrouve là à la fois des figures essentielles du merveilleux scientifique, le riche médecin qui vit un peu à l'écart de tout dans un hôtel particulier, une propriété, le greffon monstrueux, et puis une tonalité horrifique avec à la fin il est dévoré par ses chiens, par des chiens qui, comme pour le docteur Moreau, ont servi à faire des expériences. Donc c'est et puis il faut aller voir du côté de l'Angleterre, du côté de la Hammer, du côté de tout le cinéma populaire et même en Amérique, Corman, voir si je pense que le merveilleux scientifique l'a eu une postérité. Et puis n'oublions pas le théâtre Grand Guignol aussi, bien sûr, de manière contemporaine au merveilleux scientifique, qui a avec André Delorme une réception fabuleuse avec des têtes coupées encore vivantes et des gerbes de sang sur scène. Et même ce film où la tête de Michel Simon survit dans un bocal et alimentée par des réseaux électriques là. Non mais même dans le cinéma bis et le Z, il y a énormément merveilleux scientifique. Roger Musnick, comment expliquer que ce genre dont on entend que c'est un genre populaire, qui essaime, qui traite de problématiques certes scientifiques, mais aussi très grand public finalement, comment expliquer qu'il s'éteigne rapidement, qu'il sombre dans l'oubli, finalement qu'il perde une sorte de guerre fictive, rétrospective, complètement imaginée depuis le temps présent, avec l'avènement finalement de la science-fiction rationaliste des années 30. Y a deux choses. D'abord, il commençait à s'étioler quand même, à mon avis, sacrément à la fin des années 30, hein, et puis énormément de choses. Il y en avait encore, mais plus énormément. Puis il y a la guerre, le prix du papier, etc. Bon, l'occupation qui fait que bon, la plupart des écrivains s'arrêtent d'écrire. Et puis, alors évidemment, il y en a encore quelques-uns, mais pas beaucoup. Et en 45, 48, 49 arrive la science-fiction américaine. Et là, c'est une découverte pour les Français qui découvrent un continent complètement oublié, parce que la science-fiction anglo-saxonne, je dis américaine, il y a aussi de l'anglais, mais c'était inconnu avant. Et là, subitement, ça arrive, et tout ce qui venait des États-Unis en 49-50, c'est génial, c'est fantastique. Et donc, il y a tout un petit groupe avec Boris Vian, etc., bon, qui vont découvrir ce nouveau genre. Et il va y avoir un article assez célèbre au début des années 50 qui dit un nouveau genre, la science-fiction. Et on va complètement oublier l'histoire précédente. On va oublier l'histoire littéraire française pour se mettre à la nouvelle science-fiction. Il va y avoir de nouveaux auteurs, il y a très peu, il y a trois ou quatre auteurs qui font le lien, mais sinon il y a très peu d'auteurs d'avant-guerre qu'on voit réapparaître. Tous les nouveaux auteurs qui vont s'y mettre petit à petit, ce sont des jeunes à l'époque, ce sont des jeunes, et qui vont créer le premier terreau de la science-fiction, de la science-fiction française. Il va falloir attendre les années 70 pour qu'on commence à se dire, ah mais tiens, il y a eu quelque chose en France, c'était pas mal, bon, voilà. D'ailleurs, c'est le genre existe, commence à exister en 1950. On amène le mot science-fiction et des collections se créent. Alors, est-ce que ce sont les collections qui créent le genre? Est-ce que c'est le genre qui crée les collections? C'est un débat que nous n'aurons pas aujourd'hui, parce que nous n'aurons pas le temps du tout. Mais c'est un débat qu'on a déjà eu un certain nombre de fois autour de cette table. Flore Hopkins, ce lien entre pourquoi le merveilleux scientifique est-il dérouté en rase campagne face à l'arrivée de la science-fiction anglo-saxonne? Je pense que l'appellation du merveille scientifique, bien qu'elle soit très belle, elle a été profondément problématique. Elle a été souvent mal retranscrite dans les textes théoriques sous la forme de fantastico-scientifique. Enfin, il y a une grande problématique autour de cela. Certains ont essayé d'en être des ardents défenseurs. Je pense à Henri Desdavray, à John Charpentier dans le Mercure de France. Mais le gros problème aussi, c'est que le merveille scientifique que souhaitait Maurice Renard, c'était de la haute littérature publiée dans le Mercure de France, dans la Nouvelle Revue Française où il va être désavoué par Copeau et par Rivière. Et malheureusement pour lui, dans les années 20, quand on réédite ses textes, c'est dans des collections d'aventures, ce que n'aurait pas souhaité Maurice Renard. Et quelque part, la faiblesse du genre, ça a été d'être trop populaire et d'être édité chez Ferenczi, chez Talandier, chez Pierre Lafitte, sous un format qu'on le redécouvre avec plaisir dans l'exposition avec des images magnifiques, mais qui n'était pas la littérature que Maurice Renard souhaitait. Et effectivement, le déferlement de la science-fiction américaine va nettoyer, va faire oublier cette Atlantide littéraire, très malheureusement. Jusqu'aux années 90, où effectivement ce genre est petit à petit redécouvert, que reste-t-il? Pensez-vous qu'il y a aujourd'hui des héritiers du merveilleux scientifique? Est-ce que le genre a été réévalué à sa juste valeur? Est-ce qu'il a essaimé à un siècle d'écart? Oui, tout à fait. Déjà, je pense qu'un des grands artisans de cette redécouverte, on a cité quelques dates, hein, on va avoir la revue Fiction dans les années 50, on va avoir Pierre Versin dans les années 70. Serge Lehmann a beaucoup œuvré, notamment avec la publication de sa collection Omnibus, Les Chasseurs de Chimères en 2006. La Brigade Chimérique. Et évidemment, La Brigade Chimérique. La bande dessinée aux éditions de la Talente. L'œil de la nuit, etc. Il a adapté en faisant vraiment un univers méta-romanesque très, très cohérent. Mais effectivement, c'est une question qu'on pose lors du colloque du 5 juin qui se tient à la BNF, donc j'invite tout le monde très chaleureusement à nous rejoindre. On pose la question de la postérité, justement, du merveille scientifique et de sa réception, en invitant évidemment Serge Lehmann, mais aussi Alex Alice et Amélie Sarne, qui est la scénariste des aventures fantastiques de Sacré-Cœur, pour montrer comment, inconsciemment ou de manière assumée, le merveilleux scientifique a précisément essaimé à la fois dans la bande dessinée, le récit sous image, et chez des auteurs contemporains comme Robert Davel, qui sera aussi présent au colloque. François Angelier. Oui, on fait citer aussi le nom de Francis Lacassin. Là, j'ai en main le volume Maurice Renard de Bouquin Lafond, 1990, où il y a l'essentiel, quasiment, de l'œuvre de Renard. Notamment c'est la Bible. C'est la Bible. Et Lacassin, qui aussi fait partie de cette génération, comme oui. Curval, Alain oui, René, oui. Des grands amoureux de la SF et du merveilleux scientifique, a beaucoup fait, notamment en bouquin, pour le... Et puis, je pense aussi qu'aujourd'hui, le steampunk, la culture steampunk, qui est quand même planétaire, a remis en selle de façon formidable, à la fois au cinéma, en bande dessinée, en littérature, et même dans la vie quotidienne, avec les costumes, la para, les accessoires, le merveilleux scientifique. Je crois qu'il y a un comeback effrayant. On parlait d'un film qui est un excellent film que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Get Out de Jordan Peele. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le cinéma arrive à se réapproprier un genre, alors sans faire de filiation directe, mais en tout cas, on retrouve finalement des préoccupations similaires. Il n'y a évidemment pas de citation de la part de Jordan Peele, parce qu'il y a eu d'autres films antérieurs qui traitent de la question de la tête coupée encore vivante et de la greffe de cerveau. Mais effectivement, on a ces thèmes grand guignolesque et typiquement merveilleux scientifique qui continue d'irriguer l'imaginaire. Il faut revoir Réanimateur aussi. Non, je... Il vient de sortir en collector admirable. Ah ouais, chez qui? Aux éditions Ecstasy of Film. Ah bah on va vous... Achetez tous Réanimateur. Réanimateur, grand film. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Non, ça, c'est de la science. Ça, c'est de la science. C'est pas vos fariboles, monsieur, sur Denis Zora ou je ne sais quoi. Non. Un dernier mot. C'est Serge Lehmann qui dit qu'en regardant L'homme truqué de Renard, c'est un soldat de la Première Guerre mondiale qui se fait greffer des yeux bioniques, espèce de super-pouvoir. Est-ce que le merveilleux scientifique édulcoré, finalement, ce serait pas ces super-héros qui s'affichent sur toutes les salles en ce moment, finalement? C'est le propos de Serge Lehmann, effectivement, de dire que le merveilleux scientifique, c'est nos super-héros à la française. Ce sont nos X-Men, menés non pas par Charles Xavier, mais par la bonne Marie Curie. Merci beaucoup. On va aussi reliser aussi La Brigade Chimérique, cette merveilleuse bande dessinée de Serge Lehmann et Fabrice Collin, qui est édité chez La Talente, si mes souvenirs sont bons. Merci beaucoup à tous les trois à l'exposition Merveilleux Scientifique à la BNF François Mitterrand. C'est jusqu'au 25 août. Merci beaucoup, Fleur Hopkins. Merci, Roger Musnick. On a publié aussi votre programme de publication, notamment à venir Le Maître de la Lumière de Maurice Renard, qui est publié à paraître le 6 juin, c'est cela? C'est ça. Dans la collection Les Orpailleurs. Merci beaucoup, François Angelier. Demain, dans Mauvais Genre, qu'est-ce qui se passe? Demain, nous recevons Alain Damasio. Incroyable, encore lui. Dont les Furtifs triomphent en librairie. Et effectivement, c'est quand même une date, plus qu'une date sur cette année, plus une date dans l'histoire du récit d'imagination française. Que l'on vous conseille, on vous suggère. Et puis, si vous voulez réviser avant l'émission Mauvais Genre demain, on vous met le lien de l'émission de La Méthode Scientifique où Alain Damasio était venu nous présenter ses Furtifs le jour de la sortie. Bah, je viendrai avec plaisir si vous m'invitez. Allez, venez. Toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Pascal Baudin à la technique. Un rapide coup d'œil sur nos programmes de la semaine prochaine. Lundi, Peur sur la Méthode. méthode, nous parlons des mécanismes de peur qui sont des mécanismes de survie. Mardi, nous parlerons du Big Bang. Mercredi, du projet Virus X. Jeudi, nous recevrons Hubert Reeves. Et vendredi, sera consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, Étienne Klein, devrions-nous mieux aimer les serpents ? C'est la question qu'il posera dans sa conversation scientifique. On se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.